cambiado. We are none. Ici, là-bas, I'm paralyzed. Le même paradigme, le même paradoxe, les mêmes paradoxes, les mêmes gilets par. Jaune aussi. Confortable. Quel gilet J. Installé. Exposé. Quel gilet. Aux premières loges exposées. Éclairées. Confortablement. Aux premières loges confortablement. Nous sommes. Nous sommes partie prenante. Surexposé. Aux médias toxiques. Ne sachant plus faire le tri entre le grain et l'ivraie. Nous sommes livrés. Entre le rien et le vrai, perdus à nous-mêmes. What I need is to restore my connection back to back to. Nos amis, les soviets. Impérialisme. Capitalisme. Struggling for love, struggling for places, struggling. Je suis butonnier, butonnier au caca à l'épita. Chia, écoli, écoli, Yeah. Coconilla, bactéries, écho de bâton, Coyola, y'a l'écho, l'écho, l'écho, l'écho, et j'ai riche à l'écho. Retour de paix caché. Retour du colis, du bâton. Tu sais pourquoi les bâtons, tu sais pourquoi les roues sont toujours plus longs. Tu sais pourquoi les bâtons, tu sais pourquoi les bâtons, pourquoi les roues sont plus longs. Ma bactérie, ma folie, bactérie. Tu sais pourquoi. Général. quelques insurrections dans nos têtes. Snaking man, do you wanna fix my mind? And I don't care for this. What's all I wanna be like? Sensible. Let them burn. Hey, let them burn. This gonna be the end. I'm sorry, my dear friend. Got 5 minutes left. 5 minutes left. Thank you. my soul, of your soul. I'm ready now. c'est le moment d'appeler le temps. Franchise. de port franc. Session improvisée. Impossibilité du Nil. Moi, je vais devoir vous laisser. Ouais. D'un continent. Mes amis. Spontané. C'est longtemps. Presque fini. Because we are able, because we want, because we are able to experiment. Pour accepter a besoin. La nourriture céleste qu'on a laissé dans les églises, les mosquées ou ailleurs. Ausencia. We are able to feel good. capable d'apprécier. Et salut les copains, ben, je vous laisse entre bonnes mains là. Les échanges. Des bisous. Amusez-vous bien. Capacité de s'écouter. Voilà. Et à bientôt, ben, Yann. Salut, je prépare ma voiture. Au revoir, Pierrot. Et les échanges. À la semaine prochaine. À très vite. Non, même. Même sans voiture, tu viens. Ben, c'est te cacher. Abandonnés, des coquillages, des crustacés. La madrague, le vent d'est nous amène ces derniers jours une odeur de poudre. Sur la plage abandonnée, des coquillages, des crustacés. Thank you. entier mélangé. Des connus, des inconnus. Des gens fiables, des gens peut-être dangereux. Des musiciens. Je te parle même pas des danseuses. Mélangeant les possibilités, les gènes, mélangeant, mélanger une atmosphère. Danger, plus ou moins engagé. Qui nous dépasse tous, mais dans lequel nous avons tous une part de responsabilité engagée, dégagée, engagée. Tellement content de t'entendre à nouveau, Flore. Tellement content de t'entendre. De loin en loin, aussi près, aussi proche. Able to create sound, words, try, try again, try again, try again, try again, try again. Chemin. C'est comme ça que ça continue. Si seulement nous avions